Now listen, precious people. Alors maintenant, écoutez, précieux peuple. The highway of holiness. L'autoroute de la sainteté. When the Lord created the church. Quand le Seigneur a créé l'Église. When the Lord Jehovah. Quand le Seigneur Jéhovah. He created the church. A créé l'Église. He created the church. Il a créé l'Église. In such a way. D'une telle manière. That the creation of the church. Que sa création de l'Église, il l'a développé, l'objectif qu'il a développé, l'objectif, le dessein, la mission, la vision pour lesquelles il a créé l'Église. Alléluia. Alléluia. And when the Lord Jehovah. Et quand le Seigneur Jéhovah a établi that this is going to be ce que ça va être the final product of the church, le produit final de l'Église, the final mission of the church, la mission finale de l'Église, the final vision of the church, la vision finale de l'Église, the final destination of the church, la destination finale de l'Église. Then he said, ensuite, il a dit, well, bien, how then does the church reach there? Comment est-ce que l'Église arrive là? Alléluia. Alléluia. So when the Lord, alors, quand le Seigneur he created the church. Il a créé l'Église. From the beginning. Depuis le début. He was gracious enough. Il était assez gracieux. To also sit down. Pour aussi s'asseoir. And design. Et dessiner. And develop. Et développer. A blueprint for the church. Un patron pour l'Église. A blueprint. For the church. Un modèle pour l'Église. A design. Une esquisse. A spiritual design. Une esquisse spirituelle. For the church. Pour l'Église. And that spiritual design. Et ce modèle spirituel. Was designed, was developed, was built. Était dessiné, était développé, était construit. In such a way. D'une telle manière that when the church created by Jehovah que l'Église créée par Jéhovah would come viendrait and adhere et adhère to the specifications of this design à la spécification de ce modèle to the specifics of this blueprint au spécifique de cette empreinte que l'Église would achieve réaliserait the final objective. L'objectif final. Alléluia. Alléluia. You understand this? Vous me comprenez? He created the church. Il a créé l'Église. And then, out of his mercies and grace. Et ensuite, de sa miséricorde et de sa grâce, he said, il a dit, let me design what you would call an architectural plan. Laissez-moi dessiner ce que vous appelleriez un plan architectural for the church. Pour l'Église. Such that, de telle sorte que, whosoever, qui que ce soit, wants to reach that objective, désire arriver à cet objectif, whoever will want, will dare. Quiconque le désirera, le bravera, to stick to the specifications. Quiconque désire s'attacher à la spécification, enshrined, consacrée, embedded, intégrée, engraved, gravée, placed on this blueprint, placée à cette chair, they will achieve the final building. Vont atteindre le bâtiment final. It's like an architect. C'est comme un architecte wanting to build the house. Désirant construire une maison. And when he wants to build a house, et quand il désire construire une maison, il demande normalement, l'architecte normalement demande, what type of building are they talking about? De quel bâtiment êtes-vous en train de parler? So, well, I'm told they are saying they want a 200-story building. Bien, ils disent, on aimerait un bâtiment de 200 étages. And this amount wide. Et on voudrait qu'il soit blanc. That based on that final product. Et basé sur ce produit final. Then normally the architect. Alors normalement, l'architecte. Now design. Maintenant, dessine. The architectural plan. Le plan architectural. That the building engineers. Que les ingénieurs de la construction. That the implementers. Les maîtres d'État. That when they will follow. Que lorsqu'ils suivront that architectural design, ce dessin architectural to the letter, à la lettre, then they will achieve that 200-story building, alors ils pourront achever cette tour de 200 étages using so many of so much wide metal beams, utilisant tellement de larges poutres en métal. So many of long 5-inch nails. Tellement de longs clous. So many bags of cement. Tellement de sacs de ciment. What percentage of sand? Et quel pourcent de sable? And cement and water. Et de ciment et d'eau. That when you stick to that. Quand nous nous en tenons à cela. You will achieve the final. Building meant to be built. Vous allez achever l'immeuble qui a été pensé. Alléluia. Alléluia. And the Lord Jehovah, et le Seigneur Jéhovah, in the same way, de la même manière, when Jehovah builds the church, quand Jéhovah construit l'église, when he builds the church, quand il construit l'église, he builds the church, il construit l'église, and then, et ensuite, he develops for the church. Il développe pour l'église a roadmap. Une carte routière. A roadmap. Une carte routière. That when the church. Pour que lorsque l'église. Would follow that roadmap. Voudra suivre cette carte routière. She would arrive. Elle arrivera. At the final destination. Of Jehovah, à la destination finale de Jéhovah, of the church, de l'Église. Do you understand? Vous comprenez? Today, aujourd'hui, I want to look at two things, only two. J'aimerais voir deux choses, seulement deux. Listen to me. Écoutez-moi. Today, I want to focus on two things. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur deux choses. On the spiritual roadmap, dans la carte routière spirituelle. That Jehovah designed and developed for the church. Que Jéhovah a dessiné et a développé pour l'Église. And also, et aussi, the final destination of the church. La destination finale de l'Église. That when you will be able, que vous allez pouvoir être capable, to go to the final destination. D'aller à la destination finale that the church was intended to arrive at, où l'Église avait l'intention d'arriver to achieve, pour achever when you will go there and read it, quand vous arriverez là et que vous le lirez then you will understand the significance, alors vous allez comprendre la signification the importance l'importance of sticking to the specifications de s'en tenir à la spécification the Lord Jehovah laid down que le Seigneur Jéhovah a mis en place in the roadmap for the church. Sur la carte routière pour l'Église. In other words, I'm saying, en d'autres mots, je dirais that when you look at the final product that you have achieved, Quand vous regardez au produit final que vous êtes supposé atteindre, the final building the architect wants to build. Le bâtiment final que l'architecte désire construire, then when you look at the building, the 200 stories wide, what everything. Quand vous regardez le bâtiment de 200 étages, qui est large et encore toute chose, parking in the 10th floor, another parking ground floor. Un parking au 10e étage, un autre au rez-de-chaussée, then you will now appreciate. Alors, maintenant, vous allez apprécier why the architect gave specifications. Pourquoi l'architecte a donné des spécifications. What size of metal beams? Quelle dimension pour les poutres de métal? What size of windows? La dimension des fenêtres. What size of pillars? Quelle dimension pour les piliers? Down on the floor. Qui restent sur le sol. How deep the foundation? À quelle profondeur on doit faire la fondation? So it may withstand, support the weight of the 200 stories. Pour que ça puisse supporter le poids de ces 200 étages. And the architect will normally ask. Et normalement, l'architecte va demander si dans cet endroit, un tremblement de terre arrive, est-ce que c'est susceptible d'avoir des tremblements de terre ici? And if they say yes, et alors s'ils disent oui, then he adds certain specifications. Alors il ajoute quelques spécifications for stability, pour la stabilité, even in the event that there is a tremor. Même avec des effets d'une simple secousse. Alléluia. Alléluia. That is what Jehovah did. C'est ce que Jéhovah a fait. So I want us to begin step by step. J'aimerais que nous commencions pas à pas. By looking at en regardant à the spiritual roadmap, la carte routière spirituelle that the Lord designed for the church, que le Seigneur a dessinée pour l'Église. So she may achieve the final objective. Alors elle pourra atteindre l'objectif final. The final purpose, le dessin final. The final destination, la destination finale. But inside there, que là, à l'intérieur, as we go through the spiritual roadmap, alors que nous allons à travers la carte routière spirituelle, I want you to pay attention, which I'm going to highlight. J'aimerais que vous payiez attention à ce que je vais souligner. Attention to the landmarks. De l'attention à la carte routière. The specifications God has raised. Les spécifications que Dieu a élevées. Within the plan. À l'intérieur du plan. For you to achieve the end. Pour que vous puissiez atteindre la fin. Alléluia. Alléluia. Our reference scripture today. Notre texte de référence aujourd'hui. Our reference scripture is Isaiah chapter 35. Notre texte de référence est Ésaïe chapitre 35. Only two verses, verses 8 and verse 9. Seulement deux versets, le verset 8 et le verset 9. Again Isaiah. Encore Ésaïe chapter 35. Chapitre 35. Verses 8 and 9. Les versets 8 et 9. Alléluia. Alléluia. He says. Il dit. Isaiah 35 verse 8 he says. Ésaïe 35 verset 8, il dit. And a highway will be there. Et une autoroute sera là. Some versions say. Quelques versions disent. And a highway shall be there. Et une autoroute va être là. I thought that's more powerful. Je pense que c'est plus puissant. He says. And a highway will be there. Il dit, et une autoroute sera là. In other words, en d'autres mots, when that time arrives, quand ce temps arrive, a highway shall be there. Une autoroute va être là. Let us continue. And he says, continuons. Et il dit, it will be called the way of holiness. Ce sera appelé le chemin de la sainteté. So, the Lord is saying, alors, le Seigneur dit that in the physical realm, que dans le domaine physique, in the physical world, dans le monde physique, when you want to go to Nakuru, quand vous désirez aller à Nakuru, you have to take a highway. Vous devez prendre une autoroute. And that highway is called the Nakuru Highway. Et cette autoroute est appelée l'autoroute de Nakuru. When you enter the Nakuru Highway, quand vous entrez sur l'autoroute de Nakuru, you can only reach where? Nakuru. Vous pouvez seulement arriver à Nakuru. When you enter the Thika Super Highway, quand vous entrez à la super autoroute de Seeker, you can only reach Thika. Vous pouvez seulement arriver à Seeker. Or Thika Highway. Ou l'autoroute de Seeker. And yet, et maintenant, now, when you want to reach the destination, quand vous désirez arriver à la destination of the church, de l'église, you don't know which way to take. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Alléluia. Alléluia. And so he says, alors il dit that when he created the church, quand il a créé l'église, by his grace, par sa grâce, he even designed for us the road map, il a même dessiné pour nous la carte routière, that if the church, que lorsque l'église will bear follow that road map, osera suivre cette carte routière and stick to certain specifications, et adhérer et s'en tenir à certaines spécifications, landmarks, points de repère on that road, sur cette carte, that she may not get lost, pour qu'elle ne puisse pas se perdre. Then the church will arrive at the final destination. Alors, l'église arrivera à la destination finale. Alléluia. Alléluia. And we are going to look at what the destination is. Et nous allons regarder quelle est cette destination. When you are going to Thika, quand vous allez à Thika, or you are directing somebody to Thika, ou que vous dirigez quelqu'un pour Thika, they say, I don't know where we have reached. Ils disent, je ne sais pas où nous sommes arrivés. They say, but where are you? Alors vous leur dites, où est-ce que vous êtes? I'm in a place, I don't even know the place. Nous sommes dans une place, on ne sait même pas à quelle place. Have you reached a place called Naivasha? Est-ce que vous êtes arrivé à la place qui s'appelle Naivasha? Naivasha, I think this is what's coming up. I see on the signpost. Oh, Naivasha, où je pense que c'est là que nous allons arriver. Je vois l'écriteau. Yes, yes. In fact, they say next town 5 kilometers, Naivasha. Alors oui, oui. Alors ils peuvent dire la ville suivante à 5 kilomètres de Naivasha. So if you have seen Naivasha, then you are on the right road. Alors si vous voyez Naivasha, vous êtes sur la bonne route. Just continue, you'll get Nakuru. Continuez seulement, vous allez arriver à Nakuru. Did you understand? Vous comprenez? So I am going to raise up for you. Alors je vais élever pour vous these landmarks. Ce point de repère. And you will today see for the first time. Et vous allez aujourd'hui voir pour la première fois why the other church. Pourquoi les autres églises has gone astray. Se sont égarées. In other words, dans d'autres mots, left the super highway of the Lord, ont laissé le super ou l'autoroute du Seigneur and went astray, et se sont égarées. So she has another destination. Alors, elle a une autre destination. Alléluia. Alléluia. You will see for the first time. Vous allez voir pour la première fois why the fall in the church. Pourquoi la chute dans l'église. The landmark. Le repère. In front there, on your left should be a place called Kikope. Là, devant vous, il devrait y avoir une place appelée Kikope. Have you seen it? Est-ce que vous l'avez vu? We not yet. I think we have not reached yet. Pas encore. Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés. No, maybe you no, I have not passed it. Peut-être que vous l'avez déjà passé. Non, je ne l'ai pas passé. I would have seen it. Je l'aurais vu. Okay, just continue and call me in 5 minutes. Ok, juste continuez et appelez-moi dans 5 minutes. The phone ringing. Le téléphone sonne. I have seen Kikope. Is it the place people are eating meat? J'ai vu Kikope. Est-ce que c'est la place où les gens mangent de la viande? Yes, that is the place. Alors oui, ça c'est la place. Now you are on the right road. Maintenant vous êtes sur la bonne route. Don't branch anywhere, just continue. Ne vous détournez pas de cette route. Juste continuez. You are on the right road. Vous êtes sur la bonne route. What are those markers in the Lord's super highway? Qu'est-ce que c'est ces marques dans la super autoroute du Seigneur? So he says, alors il dit, and a highway shall be there. Et une autoroute sera là. And the name of that highway, et le nom de cette autoroute, shall be called the way of holiness. Sera appelé le chemin de la sainteté. Have you heard me? Avez-vous entendu? In other words, dans d'autres mots, it is only for those, c'est seulement pour ceux, heading to holiness, qui se dirigent vers la sainteté. Those heading to Nakuru get the Nakuru super highway. Ceux qui vont à Nakuru, jusqu'ici, la super autoroute de Nakuru. Those heading to Thika, ceux qui vont à Sika, Thika super highway. Sika, super autoroute. To Mombasa, pour Mombasa, the Mombasa highway. L'autoroute de Mombasa. He said, il a dit, and it shall be called, et ce sera appelé the highway of holiness, l'autoroute de la sainteté. Meaning, heading to holiness. Signifiant se dirigeant vers la sainteté. Destination is holiness. La destination, c'est la sainteté. I will give a deeper revelation of that destination. Je vais vous donner une révélation plus profonde de cette destination. Just hold it there. Prenez-le là. Let us read and see what are these landmarks Jehovah put for you, the church. Lisons et voyons ce repère que le Seigneur a mis pour vous, l'Église. This is the powerful message. C'est le message puissant. When you preach it to the church, quand vous le prêchez à l'Église, even you, it reviews your service unto the Lord. Même pour vous, ça met en revue votre service pour le Seigneur. It will review your salvation with Jehovah. Ça va mettre en revue votre salut avec Jéhovah. It will review your work with the Lord. Ça va mettre en revue votre œuvre pour le Seigneur. When you preach to the church, quand vous prêchez à l'Église, it will cause you to question them. Ça va vous amener à les questionner. Are you really on the highway of the Lord? Êtes-vous vraiment sur l'autoroute du Seigneur? Alléluia. Alléluia. And he says, et il dit, and a highway will be there, et une autoroute sera là. It will be called the way of holiness. Il sera appelé le chemin de la sainteté. Now look at the markers. Maintenant, regardez aux marqueurs. The unclean will not journey on it. Les impurs n'y séjourneront point. That's one of the markers. C'est un des marqueurs. Alléluia. Alléluia. That when the church, que lorsque l'Église begins to walk, commence à marcher on that highway, dans ce haut chemin, the way in which the church, le chemin dans lequel l'Église will be able, sera capable to know that she is on the right track, de savoir qu'elle est dans la bonne ligne. Listen to me very carefully. Écoutez-moi attentivement. That the way, c'est le chemin, the church, que l'Église, that is you and your congregation, c'est-à-dire vous et votre congrégation, will know that you are on the right road, saurez que vous êtes dans la bonne route. Is when you are walking there, c'est quand vous êtes en train de marcher là, and sitting in that church, et que vous êtes assis dans cette église, that is walking there, sitting in that church. Ça c'est marcher là, être assis dans cette église. And when you look to your left, et quand vous regardez à votre gauche, how are you? How do you find the preachings in this church? Comment allez-vous? Comment est-ce que vous trouvez la prédication dans cette église? You know, mimi, hata bado huwa nasumbuana na mambo. Alors, tu sais, pour moi, j'ai encore quelques difficultés avec certains points dans cette église. J'ai encore des difficultés avec l'alcool. Alors, tu sais, avec les problèmes sexuels. Je viens toujours à l'église, mais alors, il y a encore des choses comme l'immoralité sexuelle que je suis en train de discuter avec le Seigneur. Now, for how long have you been here? Depuis combien de temps vous avez été ici? Je viens toujours à l'église. Je suis là depuis le début de l'église. Okay. You ask on this side. Alors, vous regardez de l'autre côté. How do you see this church that worship? Alors, comment est-ce que vous voyez cette église, cette adoration? And that preaching from the pastor. Et cette prédication du pasteur. You know when he preaches, I just weep because. Tu sais, quand il prêche, je pleure parce que. For me, there are certain strongholds that have still held me. Pour moi, il y a encore quelques forteresses qui me tiennent. I'm still in pornography. Je suis encore dans la pornographie. And he has prayed for me for years. Nothing has happened. He has even laid hands on me. Il a prié pour moi pendant des années. Rien ne se passe. Il m'a même imposé les mains. And I don't know what to do. Et je ne sais pas quoi faire. Even yesterday at night, I was in the pornography magazine or internet or bar. Même hier soir, j'étais dans la pornographie, des magazines et aussi avec internet et même dans les bars. You ask behind. Vous demandez derrière vous. How do you see this preaching behind you? Derrière vous, vous demandez qu'est-ce que vous pensez de cette prédication. You ask. Vous demandez. But I listen to him. You're asking the wrong person. Vous me demandez à moi, mais vous demandez à la mauvaise personne. Parce que pour moi, j'ai des débouchés. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That one of the markers. Un des marqueurs. On the highway. Sur l'autoroute. That will be the teacher. Qui va prouver. That will confirm to you. Qui va vous confirmer. That will establish to you. Qui va établir pour vous. That you are on the right highway of the Lord. Que vous êtes sur la bonne autoroute du Seigneur. Is that when you see the people walking with you on this highway? C'est quand vous voyez les gens marcher avec vous sur cette autoroute. You will not find Wacherati there. Vous n'allez pas trouver l'immoralité là. You will not find liars there. Vous ne trouverez pas des menteurs là. You will not find witches there. Vous ne trouverez pas des sorciers là. Neither will prostitutes accompany you there. Même les prostituées ne vous accompagneront pas là. Abortions will not accompany you. L'avortement ne vous accompagnera pas. Pornography. La pornographie. He's saying, il dit. One of the major landmarks. Un des repères les plus importants of this highway de cette autoroute is that est que the clean, les purs, the clean les purs will walk with you. Marcheront avec vous. Are you seeing the specifications? Est-ce que vous voyez cette spécification that the Lord put forth into the plan? Que le Seigneur met en avant dans ce plan? The specifications. Cette spécification. And he says, adhere to this. Adhérez à ceci. Said that when you are walking and you follow the specifications. Tel que quand vous marchez et que vous suivez les spécifications. And you see the landmarks, you say, I am still on the right track. Et que vous voyez le repère, je suis encore dans le bon chemin. And now you can almost even right away. Vous pouvez même presque voir tout de suite. Begin to see. Why the other church? Commencez à voir pourquoi les autres églises. You just check it. You use this as a barometer. Vous allez juste le voir. Vous pouvez l'utiliser comme un baromètre. For a barometric test. Pour le test du baromètre. And test the other church and check like this. Et tester les autres églises et regarder comme ça. Check and see her. She must not be walking the highway. Of holiness. Et regardez et voir que, voilà, elle ne doit pas être en train de marcher sur l'autoroute de la sainteté. Are you seeing the gauge? Est-ce que vous êtes en train de voir la jauge? He says, il dit that one of the markers of this way, que un des marqueurs de ce chemin is that those who will walk with you there, c'est que ceux qui marcheront avec vous là, they will be those who have been cleansed. Ce seront ceux qui auront été purifiés. The cleansed will walk there. Les purifiés vont marcher là. Alléluia. Alléluia. Let us continue. Continuons. I'm just reading the markers. Je suis juste en train de lire les marqueurs. And then finally, I will now come to the final product. Et ensuite, finalement, je vais venir maintenant au produit final. Then you will begin to understand even further the gravity of these matters. Et alors, vous allez commencer à comprendre même plus la gravité de ces marqueurs. And he says, et il dit, the unclean will not journey on it. Les impurs ne séjourneront pas là. It will be for those who walk in that way. Ce sera pour ceux qui marchent dans ce chemin. What is that second matter he gives you? Quel est le second marqueur qu'il vous donne? He says, il dit, that when you will get onto the highway of holiness, quand vous serez sur l'autoroute de la sainteté, only seulement those walking in a certain lifestyle, ceux qui marcheront dans un certain style de vie, one lifestyle, un style de vie, not two lifestyles, non deux styles de vie, one lifestyle, un style de vie, that way, ce chemin, the lifestyle of holiness, le style de vie de la sainteté, the lifestyle of cleanliness, le style de vie de la pureté, will walk with you on that way, marcheront avec vous dans ce chemin. Alléluia. Alléluia. Second marker. Deuxième marqueur. The lifestyle will be uniform. Le style de vie va être uniforme. Not variegated. Pas varié. Not patched up. Pas rafistolé. And he says, et il dit, wicked fools will not go about on it. L'idiot inique ne va pas être sur ce chemin. Another marker. Un autre marqueur. Another marker is this. Un autre marqueur est ceci. That this highway, que cette autoroute, will only be, sera seulement, for the wise, pour les sages, the wise, les sages, and hence, et par conséquent, wicked fools, les idiots iniques, will not be found there, ne seront pas trouvés là. So that means you can already, alors ça signifie que vous pouvez déjà, you can already take these landmarks here, que vous pouvez déjà prendre ce repère-là, and begin to re-examine your own congregation, et commencer à réexaminer votre propre congrégation. Just the first three I've mentioned here, juste les trois que j'ai mentionnés ici, you can take and begin to examine your own churches. Vous pouvez les prendre et commencer à examiner vos propres églises. Even your ministry. Même votre ministère. Even your pastoral fellowship. Même votre camaraderie pastorale. And ask yourself, are we really walking the highway of the Lord? Et demandez-vous vous-même, est-ce que nous sommes vraiment en train de marcher dans l'autoroute du Seigneur? Am I really walking in the highway of the Lord? Est-ce que je suis vraiment en train de marcher sur l'autoroute du Seigneur? Is this church really on the highway of the Lord? Est-ce que cette église est vraiment sur l'autoroute du Seigneur? Using these parameters, you can already see for yourself. Utilisant ce paramètre, vous pouvez déjà voir pour vous-même. If you need to get your way back to the highway. Si vous avez besoin de revenir sur l'autoroute. Just this few. Juste ce peu. If you are lost. Si vous êtes perdu. Let's continue. Continuons. And he says, et il dit, that wicked fools, you look around, you'll not find them. Que ces fous iniques, vous les chercherez et vous ne les trouverez pas. You will find only the wise church. Vous allez trouver seulement l'église sage. Which is Job chapter 28. Qui est l'église de Job chapitre 28. Verses 20 to 28. Les versets 20 à 28. That is the church you will find here. C'est l'église que vous allez trouver ici. The wise church. L'église sage. In other words, listen to me. En d'autres mots, écoutez-moi. In other words, en d'autres mots, one of the markers here, l'un des marqueurs ici, will be that the church will bear wisdom. Sera que l'église portera la sagesse. The church would bear wisdom. L'église portera la sagesse. That only the church upon which wisdom has been bestowed will be found there. Que seule l'église à qui on a octroyé la sagesse va être trouvée là. That brings forth a fourth marker. Ça produit un quatrième marqueur. A fourth landmark set by Jehovah. Un quatrième point de repère mis par Jéhovah. On this highway to help you. Dans cette autoroute pour vous aider. Since only the Holy Spirit. Depuis que seul le Saint-Esprit bestows wisdom unto the church. Octroie la sagesse à l'Église. Then he says. Et il dit. That the fourth marker here. Que le quatrième marqueur ici. Will be the fact that this church will be the anointed church. Sera le fait que cette église sera l'église ointe. The Holy Ghost Church. L'église du Saint-Esprit. Holy Ghost filled church. L'église remplie du Saint-Esprit. So there you go step by step. Là, vous allez pas à pas. Where wisdom is channeled to the church through the Holy Spirit. Où la sagesse est un channel pour l'église du Saint-Esprit. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. The fifth marker. Le cinquième marqueur. He says that he has placed on that highway, that road. Il dit qu'il a placé sur cette autoroute, ce chemin, out of this, the wise that will walk here. De là, les sages qui vont marcher là, the fools that will be absent here. Que les fous vont être absents de là. He says, if you go, then you check another sign on the road written. Si vous allez, alors vous trouverez un autre signe sur la route disant the fear of the Lord. La crainte du Seigneur. You will meet that town on the road. Vous allez rencontrer cette ville sur la route. A town called the fear of the Lord. Une ville appelée la crainte du Seigneur. So based on these few markers of verse 8 alone. Alors, basé sur ces quelques mots du verset 8 seulement, you can already begin to probe your church. Vous pouvez déjà commencer à éprouver votre église. And the purpose of my teaching this to you, et le dessein de mon enseignement pour vous, is that you may be able to re-examine your church. C'est pour que vous puissiez être capable de réexaminer votre église. Re-examine your ministry. Réexaminez votre ministère. Re-examine yourself. Vous réexaminez vous-même. Re-examine your congregation. Réexaminez votre congrégation. And after examining your congregation and all those things, et après que vous ayez examiné votre congrégation et toutes ces choses, you might be forced. Vous pouvez être forcé. Compelled. Contraint to go down on your knees, de vous mettre sur vos genoux and cry to the Lord, et crier au Seigneur and say, Lord, return us to your highway. Et dire, Seigneur, fais-nous retourner sur ton haut chemin. Alléluia. Alléluia. Let's continue verse 9. Continuons au verset 9. See other markers. Voyez d'autres marqueurs. And he says, no lion will be there. Et il dit, il n'y aura pas de lion là. Alléluia. Alléluia. Again. Encore. No lion will be there. He's beginning to introduce another marker. Il n'y aura pas de lion là. Il commence à introduire un autre marqueur. Another marker. Un autre marqueur. And he says. Et il dit. Nor will any ferocious beast. Il n'y aura pas non plus de bête féroce. Get upon it. Qui la prendra. One of the main features that will be on that road. Nul ne s'y rencontrera. Will be that no devourer. Il n'y aura pas de dévoreur. No ferocious beast. Pas de bête féroce. No enemy. Pas d'ennemi. No shetani will enjoy your flesh on that highway. Pas de Satan qui se réjouit de notre chair dans cette autoroute. In other words, the Lord is saying, en d'autres mots, le Seigneur dit, that when I created the church, que lorsque j'ai créé l'église, it was not meant to be enjoyed and devoured by the devil. Ça n'était pas fait pour que le diable y jouisse et y dévore. Alléluia. Alléluia. He's saying that when he created the church, il dit que quand il a créé l'église, he was so gracious. Look at this now. Il était si gracieux. Regardez à ceci maintenant. That he designed this super highway for the church. Qu'il a dessiné la super autoroute pour l'église. And when he designed this super highway for the church to follow, et lorsqu'il a conçu cette super autoroute pour que l'église la suive, that he also by his grace, c'est aussi par sa grâce and mercy, et par sa miséricorde, he sealed it, il a scellé ceci, that for that church, que pour cette église that will dare, qui osera dare come and walk in this highway, qui osera venir et marcher sur cette autoroute, the devil will not access her. Le diable ne pourra pas y accéder. Have you heard me? M'avez-vous entendu? That is another marker. Ça, c'est un autre marqueur. And I think that is the power unto the church. Et je pense que c'est le pouvoir dans l'église. That is the authority unto the church. Ça, c'est l'autorité dans l'église. Because now, he says, you have authority over the devil. Parce que maintenant, il dit, vous avez autorité sur le diable. Then you begin to understand. Alors, vous commencez à comprendre that the only way que la seule manière the devil can be eating the sheep in the church où le diable peut manger les brebis dans l'église is if that church is for sure not walking the highway of the Lord. C'est certainement si cette église ne marche pas sur l'autoroute du Seigneur. Alléluia. Alléluia. The most ill-dressed women are found in the church. Les femmes les plus mal habillées sont trouvées dans l'église. The most immoral women are found in the church. Les femmes les plus immorales sont trouvées dans l'église. The most immoral men. Les hommes les plus immoraux are found in the church. Sont trouvés dans l'église. And worse all, they are found at the pulpit. Et encore le pire, c'est qu'on les trouve à la chair. And in the worship. Et dans l'adoration. The immoral girls. Les filles immorales. The Lord is saying, le Seigneur dit that he developed this road map, qu'il développe sa carte routière, this blueprint, son projet, this highway, son autoroute, that when you walk as a church, de sorte que quand vous marchez en tant qu'église, and you look at the markers set forth, et que vous regardez aux marqueurs exposés by Jehovah, par Jéhovah, and you find, et que vous trouvez that the beast is busy devouring the congregation, et que vous trouvez que les bêtes sont actives à dévorer la congrégation, then he says, you have every reason to question. Alors il dit, vous avez beaucoup de raisons de vous questionner and ask, et de demander, are we really on the highway of the Lord? Sommes-nous vraiment sur l'autoroute du Seigneur? In other words, the only way a church, en d'autres mots, le seul chemin pour une église, the body of Christ, can be the place where men go to find good women. Pour le corps de Christ, d'être à la place où les hommes viennent pour trouver de bonnes femmes, or women go to find good men, ou bien des femmes trouver des bons hommes, or worse of all, ou pire que cela, men go to find men, des hommes qui vont pour trouver des hommes, and women go to find women, et des femmes qui vont pour trouver des femmes, is when that church has detoured, has exited, has branched, and has gone astray. Et quand cette église s'est détournée, s'est éloignée, s'est égarée, and is no longer walking the highway of the Lord. Et qu'elle n'est plus en train de marcher sur l'autoroute du Seigneur. Did you understand me? Vous comprenez? Did you understand the gravity of the landmarks? Est-ce que vous comprenez la gravité des repères? That you can re-interrogate yourself. Que vous pouvez vous réinterroger vous-même. And he says, nor will any ferocious beast get upon it. And he says, they will not be found there. Et il dit, et il n'y aura pas non plus des bêtes féroces là sur ce chemin, et vous ne les trouverez pas là. The next, he says, et ensuite il dit, but only the redeemed will walk there. Mais seuls les rachetés marcheront là. Listen to me for a moment now. Écoutez-moi pour un moment maintenant. Another marker. Un autre marqueur. Another marker, Jehovah says, un autre marqueur, Jéhovah dit, you must find on this highway. Vous devez trouver sur cette autoroute. He said that those who will be walking with you on this highway. Il dit, mais ceux qui marcheront avec vous sur cette autoroute, they must have been redeemed. Ils doivent avoir été rachetés. You did not hear me. Vous ne m'avez pas entendu. That one of the landmarks is that the church walking there must have been redeemed. Mais un des repères est que l'église marchant ici doit être rachetée. Listen to me. Écoutez-moi. In other words, he say, dans d'autres mots, il dit that only those who have been delivered, que seuls ceux qui ont été délivrés, redeemed, rachetés, cleansed, purifiés by the blood, par le sang, will walk there, marcheront là. Which means one of the markers there is the blood. Ce qui signifie que un des marqueurs ici, c'est le sang. The Lord says, only the blood, le Seigneur dit, seul le sang will cover that highway, va couvrir cette autoroute. Alléluia. Alléluia. And he say, et il dit, we know what the blood does. Nous savons ce que le sang fait. When he mentions the blood, quand il mentionne le sang, in other words, he say, en d'autres mots, il dit, it shall be a highway with another landmark, a major landmark. Ça doit être l'autoroute avec un autre point de repère, un point de repère majeur. It shall be the highway of the cross. Ça doit être l'autoroute de la croix. That when you walk there, que lorsque vous marchez là, and listen to the preachings of that highway, et que vous écoutez la prédication de cette autoroute, you will always hear the cross, at the cross, the cross of Jesus. Vous allez toujours entendre la croix, à la croix, la croix de Jésus, the cross at Calvary, la croix du calvaire, the Calvary cross, la croix du calvaire, the old rugged cross, la vieille croix rugueuse, the dirty cross at Calvary, la croix sale du calvaire. There will be always the resonance, the echoing of the cross. Ça va toujours être la résonance et l'écho de la croix. The cross, the cross, the cross, the cross, the cross. La croix, la croix, la croix, la croix, la croix. And the blood, the blood, the blood, the blood, the blood. Et le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. In other words, to say, it shall also be known as the highway of the blood. En d'autres mots, c'est dit, ça doit aussi être connu comme l'autoroute du sang. Alléluia. Alléluia. The highway of the lamb. L'autoroute de l'agneau. Alléluia. Alléluia. And there are so many landmarks you pull out of this spiritual blueprint the Lord designed. il y a tellement de repères que vous retirez de ce plan spirituel que le Seigneur a dessiné. That surely help to go a long way in navigating the church. Qui sûrement aide à aller le long chemin pour diriger l'Église. That she may never ever get lost. Pour qu'elle puisse jamais, jamais être perdue. Until she arrives the final destination. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la destination finale. But I now want to go step by step. Mais maintenant, je désire aller pas à pas into the final destination. Jusqu'à la destination finale. What is the final destination? Quelle est la destination finale? The final product. Le produit final. That when we look at these specifications here, que lorsque nous regardons à cette spécification ici, we may highly appreciate them. Nous pouvons les apprécier hautement. What they are molding the church towards to achieve. Ils moulent l'Église dans la direction à atteindre. Alléluia. Alléluia. Turn with me to the book of Ephesians. Tournez avec moi au livre des Éphésiens. Ephesians chapter 4. Éphésiens chapitre 4. What is the destination the Lord designed for the church? Quelle est la destination que le Seigneur a dessinée pour l'Église? Alléluia. Alléluia. And in Ephesians chapter 4. Et dans Éphésiens chapitre 4. I'm going to read both NIV. Je m'en vais lire dans les deux versions, la nouvelle version internationale. You remember when the Lord called me? Vous vous souvenez quand le Seigneur m'a appelé? The hand presented an NIV Bible in that vision. Les mains présentaient une Bible de la nouvelle version internationale. The one with the checked box like this. Four boxes. Celle avec des cases cochées comme ceci, quatre cases. The cover, hard cover, is the one the Lord gave to me. Sur la couverture, une couverture dure, c'est celle que le Seigneur m'a donnée. But I'm going to read two today. Mais je vais lire les deux aujourd'hui. NIV, and I'm also going to read Amplified. La nouvelle version internationale, et je vais aussi lire la version amplifiée. So we may understand. Alors vous pouvez comprendre. This highway, this blueprint. Cette autoroute, ce projet, with all these specifications we have to adhere to, avec toutes ces spécifications à travers lesquelles nous allons, that we have to observe, que nous avons à observer, the standards, les standards, these are standards that we have to observe on this highway, ce sont des standards que nous avons à observer sur cette autoroute, that with these standards we have to observe in this highway, que dans ce standard que nous avons à observer sur cette autoroute, all these standards, what do they help to mold, to build? Tous ces standards, qu'est-ce qu'ils aideront à construire? That we may be able to appreciate them more. Pour que nous soyons capables de les apprécier mieux. In other words, never to depart from them. En d'autres mots, ne jamais s'éloigner d'eux. The book of Ephesians chapter 4 verse 11 on. L'épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 11 et puis suivant. I'll read one verse NIV, one verse amplified. Je vais lire un verset de la nouvelle version internationale et un verset de la version amplifiée. In Ephesians chapter 4 verse 11 he says. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 il dit. It was he who gave some. C'est lui qui a donné quelques-uns comme. To be apostles, pour être apôtres, some to be prophets, et d'autres pour être prophètes, some to be evangelists, d'autres pour être évangélistes, and some to be pastors and teachers, et d'autres pour être pasteurs et enseignants. The Lord is saying, le Seigneur dit, that he designed the highway of holiness for the church. Qu'il dessine le haut chemin de la sainteté pour l'Église. For the elect in such a way, alors les élus dans un tel chemin that when the church will walk, quand l'Église désire marcher, when that church, quand cette Église that chooses this way, qui choisit ce chemin will decide to walk, décidera de marcher the highway of the Lord. L'autoroute du Seigneur. The fivefold ministry. Le groupe des saints ministères. The realization of the fivefold ministry of Jehovah. La réalisation du groupe des cinq ministères de Jéhovah. The apostles, les apôtres, the prophets, les prophètes, the evangelists, les évangélistes, the pastors and the teachers, les pasteurs et les enseignants. In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit that if you look at the church, que si vous regardez à l'église, where you are serving today, où vous servez aujourd'hui, and you find that there are some false apostles there, et que vous trouvez qu'il y a de faux apôtres ici, some false prophets there, quelques faux prophètes là, some false evangelists doing crusades and gathering money there, quelques faux évangélistes faisant des croisades et rassemblant de la monnaie ici, some false pastors there, quelques faux pasteurs là, and false teachers of falsehood there, et des faux enseignants de mensonges là, then you should ask, alors vous devriez demander, are we really on the highway of holiness? Sommes-nous vraiment sur l'autoroute de la sainteté? Because he says, parce qu'il dit, that the church that will walk, que l'église qui marchera, this highway of holiness, sur cette autoroute de la sainteté, that church, que cette église, will be shielded from the devil, va être protégée du diable, the deceiver, le trompeur, the father of all lies, le père de tous les mensonges, and so, et alors, she will realize the fivefold ministry of Jehovah. Elle réalisera le groupe des saints ministères de Jéhovah. And he says, et il dit, it will be, ça sera, a genuine fivefold ministry of the Lord. Un véritable groupe des saints ministères du Seigneur. Alléluia. Alléluia. And then he says further on, et ensuite, il dit plus loin, let us read amplified what he says on that verse. Lisons la version amplifiée pour voir ce qu'il dit à ce verset. Amplified says, la version amplifiée dit, and his gifts were varied, et ses dons étaient variés, he himself appointed and gave men to us, lui-même nommait et nous donnait des hommes, some to be apostles, quelques-uns pour être apôtres, special messengers, messagers spéciaux, some prophets, quelques prophètes, inspired preachers and expounders of the Holy Spirit, des prédicateurs inspirés et de ceux qui répondent au Saint-Esprit, some evangelists, certains évangélistes, preachers of the gospel, prédicateurs de l'Évangile, traveling missionaries, des missionnaires qui voyagent, some pastors, quelques-uns pasteurs, shepherds of his flock, bergers de son troupeau, and teachers, et enseignants. Did you hear that? Vous écoutez ceci? He is explaining the product of walking in the highway of holiness. Il est en train d'expliquer ce que la marche sur l'autoroute de la sainteté produit. He is unveiling, il dévoile, the object for which he designed this roadmap, l'objet pour lequel il a dessiné cette carte routière, where it should reach, what it should achieve, the fruit it should bear, où est-ce qu'il doit arriver, qu'est-ce qu'il doit achever, le fruit qu'il devrait porter. Alléluia. Alléluia. And he says on, et il dit plus loin, verse 12, le verset 12, the reason for realizing the fivefold ministry, la raison de réaliser le groupe des saints ministères, he says, il dit, to prepare, he appointed them fivefold ministry, pour préparer, et il les nomme le groupe des cinq ministères, to prepare God's people for works of service. Pour préparer le peuple de Dieu à des œuvres de service. So that the body of Christ, pour que le corps de Christ might be built up, puisse être construit. What is he talking about here? De quoi parle-t-il ici? He's saying, il dit that if your church, que si votre église, if the church, que si l'église, if the body of Christ, the congregation, the sacred assembly, si le corps de Christ, la congrégation, l'assemblée sacrée, the assembly of the Lord, l'assemblée du Seigneur, chooses to walk the highway of the Lord, choisit de marcher sur l'autoroute du Seigneur. First of all, premièrement, the fivefold ministry, the genuine, will be birthed out. Le groupe des saints ministères seront nés. And what does that mean? Et qu'est-ce que ça signifie? That means on this highway, ça signifie que sur cette autoroute, the portals of heaven are open. Les portes des cieux sont ouvertes. Did you understand me? Est-ce que vous me comprenez? That heaven is directly communicating with that church. C'est que le ciel communique directement avec cette église. I know such a church. Je connais une telle église. I know of a church which is in that place right now. Je connais cette église qui est à cette place juste ici. Unless she messes around. Sauf si elle s'éloigne. Where she's being spoken to directly by Jehovah. Où il lui a été parlé directement par Jéhovah. But he say, mais il dit that if the church will walk the highway of holiness, que si l'église décide de marcher sur l'autoroute de la sainteté, the first product is that the portals of heaven, le premier produit est que la porte du ciel, the channels of communication from heaven, le channel de communication avec le ciel, will open, va s'ouvrir. And when they open, that can only mean that there will be an outpour. Et quand il s'ouvre, ça signifie seulement qu'il y aura un déversement of the Holy Spirit, du Saint-Esprit. Meaning, there will be a massive Holy Ghost revival. Signifiant qu'il y aura un réveil massif du Saint-Esprit. Did you understand me? Vous me comprenez? And he says, and that will manifest, et il dit, et ça va se manifester in the birthing out of the fivefold ministry, dans la naissance du groupe des saints ministères. And he said, but when the fivefold ministry will have been realized, et il a dit, quand le groupe des saints ministères aura été réalisé, it will bring into fruition the following. Ça va amener la réalisation de ce qui suit. It will essentially, ça va essentiellement préparer the congregation of the Lord, la congrégation du Seigneur. Are you seeing the destination that the highway leads to? Est-ce que vous voyez la destination où l'autoroute conduit? Prepare the congregation of Jehovah. Préparez la congrégation de Jéhovah. The people of the Lord. Le peuple du Seigneur. For the works of the Lord, for service. Pour les œuvres du Seigneur, pour le service. In other versions, they say for the works of the ministry. Dans d'autres versions, ils disent pour l'œuvre du ministère. The ministry. Le ministère. But now, it will also, in preparing, you know, that means equipping them. Parce que maintenant, ça va aussi les préparer. En d'autres mots, les équiper. Equip them to go out and do massive exploits for the Lord. De les préparer pour sortir et faire de massifs exploits pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. And he says, et il dit, to prepare the people of the Lord for service. Pour préparer le peuple du Seigneur au service. Which means, when the church enters this highway, ce qui signifie que lorsque l'Église entre sur cette autoroute, she will be prepared for service. Elle va être préparée pour le service. Let us see what Amplified says. Voyons ce que la version amplifiée dit about that. verse 12. À propos de cela, au verset 12. When he talks about the fivefold ministry, and then he says, verse 12, amplified, he says. Quand il parle à propos du groupe des saints ministères, et ensuite il dit au verset 12 de la version amplifiée, il dit. His intention for raising the fivefold ministry. Son intention pour laquelle il élève ce groupe de saints ministères. He says, his intention. Il dit, son intention was the perfecting était la perfection and the full equipping of the saints et le plein équipement des saints. His consecrated people, son peuple consacré. Stop there first. Arrêtez là, premièrement. What is amplified saying? What does the Lord say? Qu'est-ce que la version amplifiée dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? The Lord is saying. Le Seigneur dit. That if the church will enter this highway of holiness, que si l'Église désire entrer dans cette autoroute de la sainteté, the fivefold ministry, le groupe des saints ministères that will be backed out, qui naîtra will have the following intention, purpose. Aura cette intention suivante, ce dessein. The perfecting of the saints. La perfection des saints. In other words, dans d'autres mots, the excellency, l'excellence of the saints, des saints. The making of excellence in the congregation. D'arriver à l'excellence dans la congrégation. In other words, the making of perfection. En d'autres mots, arriver à la perfection and excellence in the salvation. Et à l'excellence dans le salut. But how do you make salvation excellent in the church? Comment est-ce que vous arrivez à un salut excellent dans l'Église? He say, il dit, that if you want to know that the church has been walking the highway of holiness, si vous voulez savoir si l'Église est en train de marcher dans le haut chemin de la sainteté, the salvation therein will be excellent in righteousness. Le salut y sera excellent dans la justice. Because only righteousness can make salvation perfect. Parce que seule la justice peut rendre le salut parfait. Can make salvation excellent. Peut rendre le salut excellent. Alléluia. Alléluia. Are you seeing the objective of the highway? Avez-vous vu l'objectif de l'autoroute? That finally, que finalement the salvation in the church, le salut dans l'Église may be built up, peut être construit with excellence, avec excellence, and to excellence, et à l'excellence. Isn't that amazing? Est-ce que ce n'est pas étonnant? Very powerful message is giving you. Un message très puissant, est-ce que ce n'est pas ça? This is the message to preach at this hour. C'est le message à prêcher en cette heure. The highway of the Lord. L'autoroute du Seigneur. So if you look at your church, alors si vous regardez à votre église, and you look at it as a pastor from year one, et si vous regardez ça comme pasteur depuis l'année 1 to the third year, jusqu'à la troisième année, you should be able to ask yourself, vous devez être capable de vous demander à vous-même, are we really on the highway? Sommes-nous vraiment sur l'autoroute? You should be able to ask yourself, vous devriez être en mesure de vous demander à vous-même, have we made gains in the excellence of salvation? Est-ce qu'on a gagné quelque chose dans l'excellence du salut? In other words, in righteousness. En d'autres mots, si la justice has righteousness increased in this church, est-ce que la justice a cru dans cette église? Has it grown? Est-ce que ça a grandi? Or has it come down? Ou bien alors, c'est le contraire. Then you can make up your mind. Et vous pouvez faire un choix. And either continue on that highway of holiness. Ou bien vous continuez sur cette autoroute de la sainteté. If righteousness is increasing. Où la justice augmente. Or return to the highway if you find that righteousness diminished. Ou retourner sur l'autoroute si vous trouvez que la justice diminue. And he goes on to say that to make excellence. Et il va plus loin en disant, pour arriver à l'excellence, his intention was the perfecting, in other words, the excellency. Son intention était la perfection, en d'autres mots, l'excellence, and the full equipping of saints. Et le plein équipement des saints. His consecrated people. Son peuple consacré. That means to say. Ça signifie de dire that those that walk the way of the Lord, que ceux qui marchent dans le chemin du Seigneur, those that ply the highway of holiness, ceux qui naviguent sur l'autoroute de la sainteté, a consecrated people. Ils sont un peuple consacré. The final objective, l'objectif final is to achieve, est d'atteindre God's consecrated people. L'état de gens consacrés à Dieu. In other words, the elect of God. En d'autres mots, d'être les élus de Dieu. Listen to this. Écoutez ceci. When you look at the priest in Israel, quand vous regardez au prêtre en Israël, when he would go into the holy of holies, quand il allait dans le Saint des Saints, when he wore his priestly garment, quand il était dans son vêtement de prêtrise, the sacred priestly garment, le vêtement sacré du prêtre, there were some features, but I want to focus on one feature. Il y avait quelques figures et j'aimerais qu'on se concentre sur une figure. One of the main features, un des enseignements importants, was the turban. C'était le turban. And inside the fold, there was an in front fold here at the front. Et à l'intérieur du pli, il y avait un pli sur le devant. Inside that fold, this fold here. À l'intérieur de ce pli là devant. Inside it. À l'intérieur de cela. When you opened. Quand on ouvrait. You pulled out a writing in gold, golden writing. Vous tiriez dehors une écriture en or, une écriture dorée. Which said. Qui disait. Holy unto the Lord. Sainteté à l'Éternel. Which means. Ce qui signifie. Consecrated unto the Lord. Consacré au Seigneur. Which means. Ce qui signifie. Separated unto the Lord. Séparé pour le Seigneur. So in other words, the Lord is saying. En d'autres mots, le Seigneur dit. That if the church is surely walking. Que l'Église marche certainement the highway of holiness. Dans l'autoroute de la sainteté. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verses 14 and 18 church. L'Église de 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 18. Must be realized. Doit être réalisé. 2 Corinthiens chapitre 6. Verses 14 to 18 church. L'église de 2 Corinthiens chapitre 6 les versets 14 et 18 must be realized. Doit être réalisé. Must be manifest. Doit être manifesté. Must be expressed. Doit être exprimé. Must exude forth. Doit transpirer. A church that is consecrated. L'église qui est consacrée. A church that is separated. L'église qui est séparée. A church that mixes not. L'église qui ne se mélange pas. Light and darkness. Lumière et ténèbres. A church where idol worship. L'église qui adore les idoles. Cannot be mixed with the worshiping of Christ. Ne peut pas être mélangé avec l'adoration de Christ. Alléluia. Alléluia. Isn't it mighty here? Est-ce que ça n'est pas puissant ici? And he continues on to say, et il continue à dire in amplified, dans la version amplifiée, his intention was his purpose for raising the church on this way. Son intention était d'élever l'Église de cette manière. Was the perfecting, c'était la perfection and the full equipping of saints. est le plein équipement des saints. His consecrated people. Ces gens consacrés. I am coming back to that again. Je reviens là-dessus encore. And he says, et il dit that when the church que lorsque l'Église chooses to walk the highway of the Lord, choisit de marcher sur l'autoroute du Seigneur, the highway of the Lamb, l'autoroute de l'agneau, the highway of the cross, l'autoroute de la croix, the highway of the blood, l'autoroute du sang, the highway of Jehovah, l'autoroute de Jéhovah, the highway of holiness, l'autoroute de la sainteté. You can also call it the highway of righteousness. Vous pouvez aussi l'appeler l'autoroute de la justice. That this church, que cette église, there will be discipling going on in this church. Ils seront disciplinés, ceux qui iront dans cette église. You will not find pastors, vous ne trouverez pas des pasteurs. When some young man is coming up, quand un jeune homme s'approche, preaching when you are not there, you tell him, can you help me hold for me the church? Prêchant quand vous n'êtes pas là, peux-tu m'aider? Aide-moi à tenir pour moi l'église. Help me hold for me the church. Read for me scripture tomorrow and worship. Aide-moi à tenir l'église pour moi. Lis cette écriture pour moi demain et adore. And when you come back on Monday, et quand vous revenez le lundi, every member of church is calling you. Tous les membres de l'église vous appellent. That's where my pastor has been. Il l'a fait si bien. Where has been my pastor? Où est-ce que mon pasteur a été? The message he gave us. Le message qu'il nous a donné. And then, et ensuite, you turn around and become jealous. Vous tournez là autour et vous devenez jaloux. You say, huh? How can you start to call another name so gloriously like that? Comment avez-vous pu trouver quelqu'un qui le fasse si glorieusement? And I've been here with you. Et j'ai été là avec vous. I suffered being here. We suffered each other here. J'ai souffert ici. Nous avons souffert ensemble ici. It was just one weekend. Why are you making a big fuss out of it? C'était juste un week-end. Pourquoi vous en faites tant d'histoires? No. We think you should give him more time. Non. On pense que vous devriez lui donner plus de temps. And then now you start telling him, no, I want to give you a special ministry. Et maintenant vous commencez à lui dire, je vais te donner un ministère spécial. To finish him. Pour le finir. Of course, this example is not happening. The contrary is happening. Pour cause, cet exemple n'est pas arrivé. Le contraire est arrivé. What I'm saying. Ce que je veux dire. Do you raise the young men that the Lord brings to you and young women? Est-ce que vous élevez les jeunes gens que le Seigneur vous amène et les jeunes filles? Are you discipling them to discharge them? Est-ce que vous les disciplinez pour les envoyer dans le ministère? So that church, alors, cette église, she is discipling people, elle discipline les gens. There is no conflict of interest, il n'y a pas de conflit d'intérêt because, parce que I like the version that says, j'aime la version qui dit he raises them for the works of their ministry. Il les élève pour l'œuvre du ministère. Their ministry. Le ministère. Their ministry of the Lord. One ministry. Le ministère du Seigneur. Un ministère. The Lord says, le Seigneur dit, when you see a church, quand vous voyez une église where the young talents and gifts are being suppressed, où les jeunes talents, les dons sont étouffés, you ought to ask a big question. Vous devez vous demander une grande question. Are we really walking the highway of the Lord? Est-ce que nous marchons sur l'autoroute du Seigneur? Did you understand? Est-ce que vous comprenez? Now you can even question your pastor's church. Alors, maintenant vous pouvez même questionner l'église de vos pasteurs. Pastors, be careful, senior pastors. Pasteur, attention, les pasteurs seniors. Your younger pastors are now going to be able to question you. Les jeunes pasteurs vont maintenant être capables de vous questionner. Hey, because they have heard directly from the mouth of the Lord. Parce que ils ont entendu directement de la bouche du Seigneur. They are going to question. Ils vont commencer à questionner. If you bring some practices that are not consistent with the word. Si vous amenez quelques pratiques qui ne sont pas en ordre avec la parole. They are going to say no. Are we really walking the way of the Lord? Alors ils vont commencer à dire, mais est-ce qu'on est en train de marcher selon la manière du Seigneur? It's about raising people. C'est à propos de élever des gens. So this is a place for raising the gifts. Alors c'est la place pour élever les dons. Equipping the saints. Équiper les saints. To do the work of ministry. Pour faire l'œuvre du ministère. The work of their ministry, the work of service unto the Lord. Les œuvres du ministère, les œuvres du service pour le Seigneur. And when you see that happen, et quand vous voyez ceci arriver, then you know that that church is surely walking the way of the Lord. Alors vous savez que cette église est certainement en train de marcher dans le chemin du Seigneur. And he says on, et il dit plus loin, consecrated people, des gens consacrés, meaning it's a separated church. Ce qui signifie une église séparée. Don't start to reach in that church. Ne commencez pas d'arriver dans cette église. He said, stop asking many questions. Il dit, arrêtez de demander tellement de questions. You just enter that narrow gate. Vous entrez juste par cette porte étroite. Before it closes. Avant qu'elle se ferme. He says here, il dit ici, only the redeemed of the Lord, seuls les rachetés du Seigneur will walk here. Marcheront là. Only the delivered. Seulement les délivrés. Only the consecrated of the Lord. Seulement les consacrés du Seigneur. Consecrated by what? By the blood of the Lamb. Consacrés par quoi? Par le sang de l'agneau. Stop asking many questions. Arrêtez de poser tellement de questions. He says, il dit, his intention was the perfecting and the full equipping. Son dessein, son intention était la perfection et le plein équipement des saints. His consecrated people, son peuple consacré, that they should do the work of ministry, pour qu'ils fassent l'œuvre du ministère. The other version say, the work of the ministry, les autres versions disent l'œuvre du ministère, the work of ministry, l'œuvre du service. Alléluia. Alléluia. Towards building up Christ's body, the church. Pour l'édification du corps de Christ, de l'Église. He's saying, il dit, that if you will be in a church, si vous voulez être une Église, then that church, et cette Église, will be walking the highway of the Lord, marchera sur l'autoroute du Seigneur. Then, in that church, alors, dans cette Église, you will see the fivefold ministry. Vous allez voir le groupe des saints ministères. Discipling going on. La discipline allait de l'avant. Consistent separation of the saints from the world. Que les saints soient vraiment séparés du monde. And in the process, et dans ce procédé, you'll see the building up of the body of Christ. Vous verrez l'édification du corps de Christ. And look at what he says further on. Et regardez ce qu'il dit plus loin. He says, il dit, that it might develop, pour que ça puisse développer, which means the church, ce qui signifie l'Église, that walks the highway of holiness, qui marche sur l'autoroute de la sainteté, is a developed church, est une Église développée. The other target, les autres cibles, objective why? The Lord designed this spiritual roadmap. L'objectif pour lequel le Seigneur a dessiné cette carte routière spirituelle is that the church, est que l'Église, when she walks here, quand elle marche ici, she might realize the fivefold ministry, elle puisse réaliser le groupe des saints ministères and also develop, et aussi développer. What does it mean, develop? Qu'est-ce que ça signifie, développer? He says, il dit, development means to be civilized. Le développement signifie d'être civilisé. Alléluia. Alléluia. Do you hear me? Est-ce que vous m'entendez? That she might be civilized. Pour qu'elle puisse être civilisée. Today they say if you are a civilized person, aujourd'hui, si vous êtes une personne civilisée, you must be highly read. Vous devez être très cultivé. But I want to submit unto you, et j'aimerais vous soumettre, that that saying is true. Ce qui dit là est vrai. For you to be civilized, you must be highly read. Pour être civilisé, vous devez être très cultivé. And when he says that the body may develop, be civilized. Et quand il dit le corps doit être développé, doit être civilisé, development, civilization. Développement, la civilisation, meaning, signifiant, you might be enlightened of the word. Vous devez être éclairé par la parole. That church is highly enlightened of the word. Cette église est hautement éclairée par la parole. When she preaches, she anchors herself on the word. Quand elle prêche, elle s'ancre elle-même dans la parole. When she walks her life in the word. Quand elle marche éclairée dans la parole. When she eats her food in the word. Quand elle mange sa nourriture dans la parole. When she worships, she worships in the word. Quand elle adore dans la parole. Sometimes I enjoy. Quelquefois, je me réjouis. A lot of worshippers. Beaucoup d'adorateurs. That when they are worshiping, they are quoting biblical scriptures as they worship the songs. Quand ils adorent, ils mettent dans leur chant des textes de l'Écriture. Very powerful. C'est très puissant. Il dit that the church that walks the highway of the Lord que l'Église qui marche sur l'autoroute du Seigneur is not an ignorant church. N'est pas une Église ignorante. She is highly enlightened of the word, by the word. Elle est hautement éclairée sur la parole, par la parole. She is aware of the sayings of the word. Elle est au courant de ce que la parole dit. Of the command of the word. Des commandements de la parole. Of the decrees of God in the word. Des décrets de Dieu dans la parole. But he continues saying, mais il continue disant, the reason is that the body it might develop until we attain oneness in the faith. La raison et que le corps puisse se développer jusqu'à ce que nous obtenions l'unité de la foi. That means he's saying, ça signifie qu'il dit that when Jehovah created the church, que lorsque Jéhovah a créé l'Église, the purpose was that the church may walk in this highway. Le but était que l'Église puisse marcher sur cette autoroute. And that when she walks this highway, et lorsqu'elle marche sur cette autoroute, the fivefold ministry, le groupe des saints ministères, consecration, separation, la consécration, la séparation, equipping, preparation for service, l'équipement, la préparation pour le service. And guess what? Et devinez quoi? And he says here, et il dit ici that when they have been prepared, que lorsqu'ils ont été préparés, the body might be built up. Le corps peut être édifié. And when the body is built up, et lorsque le corps est édifié, he says, il dit, the body will be mature. Le corps sera mature. But what do I mean by this? Mais qu'est-ce que je pense par cela? The body will now be united. Le corps sera maintenant uni. That's what he means by the unity of the faith. C'est ce qu'il pense par l'unité de la foi. This thing of saying, oh, me, I want to preach this, I want to preach this. Ces choses de dire, je désire prêcher ça, je désire prêcher cela. This thing of saying, thus saith the Lord, I'm going to bring financial resources from the earth to you. Ces choses comme, voilà ce que dit le Seigneur, je m'en vais vous amener des ressources financières de la terre pour vous. Prepare, because of the economic crisis, prepare for wealth transfer from the earth. À cause de la crise économique, préparez-vous à transférer des richesses de la terre. For the heathen to the church. Des païens pour l'Église. And another one comes and says, et un autre vient et dit, thus says the Lord, prepare, I am coming. Voilà ce que dit le Seigneur, préparez-vous, je viens. Prepare in righteousness. Préparez-vous dans la justice. So you hear two conversations in the church. Alors, vous entendez deux conversations dans l'Église. But in this church, mais dans cette Église, in this end time revival here, dans ce réveil de la fin des temps ici, there is one conversation. Il y a une conversation. There is the unity of the faith. Il y a l'unité de la foi. Which means, ce qui signifie, the understanding of the time is the same. Compréhension du temps est la même. The understanding of the requirements of the time is the same. la compréhension des exigences du temps est la même. When Paul left Thessaloniki, quand Paul a quitté Thessalonique, he came to Caesarea, il est venu à Césarée de Philippe. And he entered a meeting that was going on there. Il est entré dans un rassemblement qui avait lieu là, a meeting of the Lord, un rassemblement du Seigneur, by the servants of the Lord, par les serviteurs du Seigneur. Et quand il est entré là, il y avait une chaise devant, là. And seated on that chair was a prophet of the Lord. Et assis sur cette chaise était un prophète du Seigneur. And when the prophet of the Lord saw him, he remembered the dream. Et quand le prophète du Seigneur l'a vu, il s'est souvenu d'un rêve. And he called him and said, "You are from very far away by the sea. Is that right? Yes, come." Et il l'appelait et a dit, « Tu es de très loin, à travers la mer. » C'est bien ça. Il est venu. And then, et ensuite, he took the belt, began to tie his hands, tie his feet. Alors il a pris une ceinture, il a commencé à lier ses mains et lier ses pieds. People were shocked. What is the man of God doing here? Les gens étaient choqués. Qu'est-ce que cet homme de Dieu est en train de faire là? Tying Paul's hands and feet. De lier les mains de Paul et de lier ses pieds. Then he looked at Paul in the face. Et ensuite, il a regardé Paul en face. And he asked him, et il lui a demandé, Jérusalem, Jérusalem, are you still going? Est-ce que tu vas encore y aller? And Paul said, he laughed. Et Paul laughed. Et Paul a dit, il a ri. Paul a ri. He said, Jérusalem, I am still going. Il a dit, Jérusalem, je vais encore y aller. Which means, ce qui signifie, jail is waiting for you there. La prison t'attend là-bas. Are you still going? Est-ce que tu veux encore y aller? He said, ha, for Jesus, I will go. Il a dit, pour Jésus, je vais y aller. And look at this now. Et regarde à ceci maintenant. Look at this now. Regardez à ceci maintenant. Then Paul said, ensuite, Paul a dit, I saw the same vision before I left Thessalonica. J'ai vu la même vision avant que je quitte Thessalonique. There was unity in that church. Il y avait de l'unité dans cette église. Oneness in that church. D'avoir une seule pensée. Spiritual oneness and physical manifestation of that spiritual oneness. Une unité spirituelle et une manifestation physique de cette unité spirituelle. And he says, et il dit, the unity of the faith in oneness, l'unité de la foi, le fait d'être un in the faith, dans la foi, and in the comprehension of the full and accurate knowledge, et dans la compréhension de la pleine et exacte connaissance of the Son of God, du Fils de Dieu, that we might arrive, do you see the destination? Pour que nous puissions arriver, vous voyez la destination? At really mature manhood, et à l'état d'homme fait, and the completeness of personality, et l'accomplissement de la personnalité, which is nothing less than the standard height, qui n'est rien d'autre que le haut standard of Christ's own perfection, de la perfection de Christ, and the measure of the stature of the fullness of the Christ and the completeness found in him, et la mesure de la stature parfaite de Christ et l'achèvement fondé en lui. Does somebody see the destination? Est-ce que quelqu'un voit la destination for which the Lord raised the church, avec laquelle le Seigneur élève l'Église? Alléluia. Alléluia. He says, il dit, when he created the church, quand il a créé l'Église, there was an intention, il y avait une intention, a purpose, un dessein, an objective, un objectif, an object, un objet, an end, an achievement, une fin, une réalisation to be made, qui doit être faite. And he said, et il a dit, that in the way he created the church, que la manière dont il a créé l'Église, if the church would walk the blueprint he designed for her, si l'Église va marcher dans l'empreinte, dans le dessin qui a été fait pour elle. The highway Jehovah developed for her. L'autoroute que Jéhovah a développée pour elle. If the church si l'Église would have, dare have the courage, si l'Église veut avoir le courage d'oser to enter into the highway of Jehovah, entrer sur l'autoroute de Jéhovah, the highway of the Lord, l'autoroute du Seigneur, and walk there, et marcher là, then there would be a manifestation of the fivefold ministry. Alors il y aura une manifestation du groupe des cinq ministères. Five. Les cinq. The realization, the parting out of fivefold ministry. La réalisation, la naissance du groupe des cinq ministères. And that when that ministry is birthed out, quand ce ministère est né, the following must be seen. Ce qui suit doit être vu. The perfecting of salvation. La perfection du salut. The excellence in salvation. L'excellence dans le salut. In other words, dans d'autres mots, excellence in righteousness. L'excellence dans la justice. Meaning, signifiant the growth of righteousness. La croissance de la justice. Meaning, signifiant the growth of holiness. La croissance de la sainteté. In the lives of the sheep. Dans la vie des brebis. In the life of the pastor. Dans la vie du pasteur. In the life of the congregation. Dans la vie de la congrégation. In the life of the body of Christ. Dans la vie du corps de Christ. Hallelujah. Alléluia. The Lord. Le Seigneur. He said, il dit. That when that happens. Lorsque ceci arrive. When the church. Quand l'Église. When there is excellence in the way the sheep walk. Quand il y a de l'excellence dans la manière dont les brebis marchent. The way they worship Jehovah. La manière dont ils adorent Jéhovah. It is now excellent. Qui est maintenant excellente. When that happens, quand ceci arrive. Then the saints will essentially be equipped. Alors les saints seront essentiellement équipés. Be discipled. Ils seront disciplinés. You can only disciple on this highway. Vous pouvez discipliner seulement sur cette autoroute. By kuimarisha. En les établissant. By perfecting. En perfectionnant. By excellency. Par l'excellence. Righteousness. Par la justice. But now, when they walk in righteousness. Que maintenant, quand ils marchent dans la justice. Everybody else. Tous les autres. In the world. Dans le monde. And you are the light of the world. Et vous êtes la lumière du monde. When he says, I am the light of the world. Quand il dit, je suis la lumière du monde. And he says, and whoever follows me cannot walk in darkness. Et il dit, quiconque me suit ne peut pas marcher dans les ténèbres. Other versions say, cannot walk in the dark. D'autres versions disent, ne peut pas marcher dans le noir. In other words, those that have followed Christ are walking on this road. En d'autres mots, ceux qui suivent Christ marchent dans ce chemin. And they are also the light of Christ. Et ils sont aussi la lumière de Christ. The light of the world. La lumière du monde. And he say, et il dit that the only way they can be the light of the world. Que la seule manière pour eux d'être la lumière du monde, the light of Christ, la lumière de Christ, is when their excellence, when their perfection, righteousness in their walk. C'est quand ils sont excellents, ils perfectionnent la justice dans leurs œuvres. When they perfection salvation in that manner. Quand ils perfectionnent le salut de cette manière, when they perfection righteousness in that way, quand ils perfectionnent la justice de cette manière, then the righteous light, alors la lumière de justice, their righteousness will shine unto the world as the light of Christ. La justice va luire devant le monde comme étant la lumière de Christ. And in so doing, they will have evangelized Christ Jesus. Et en faisant cela, ils vont prêcher Jésus-Christ. When you evangelize Jesus, in other words, he is saying, quand vous parlez de Jésus, en d'autres mots, il dit that on this highway of righteousness, que dans ce haut chemin de la justice, when you evangelize Jesus, quand vous parlez de Jésus, then essentially, alors essentiellement, you are evangelizing the light of Christ. Alors vous évangélisez la lumière de Christ au monde. The righteousness of Christ. La justice de Christ. The holiness of Christ. La sainteté de Christ. That is the equipping that is happening here. Et c'est l'équipement qui arrive ici. Hallelujah. Alléluia. And he says, et il dit, when that happens, quand ceci arrive, then the body of Christ, quand le corps de Christ will grow, va croître to full stature, dans une parfaite stature, maturity, la maturité, and that height, et cette hauteur, and perfection, et cette perfection of the knowledge, de la connaissance, of the manhood, de l'état d'homme fait, of the perfectness, de la perfection, of the excellence, de l'excellence, of the person, de la personne, of the Son of God, du Fils de Dieu, of Christ, of the Messiah, de Christ, du Messie. And when that happens, et quand ceci arrive, then the church, alors l'Église, she has already essentially become the bride of Christ. Elle est déjà essentiellement devenue l'épouse de Christ. She has entered the rapture. Elle est entrée dans l'enlèvement. But listen to this. Alors écoutez ceci. When you go to the US, quand vous allez aux États-Unis, when you were in Kenya a few years ago, alors que vous étiez au Kenya quelques années plus tôt, and when you go to other countries, et quand vous allez dans d'autres contrées, they are what we call the toll highways, the tollways. C'est ce qu'ils appellent le péage. Gilgil had a toll station. À Gilgil, il y a une station de péage. Where if you arrive, que lorsque vous y arrivez, you pay before you use the new way. Vous payez avant d'utiliser la nouvelle route. In the US, they call it the turnpike. Aux États-Unis, ils appellent ça la barrière, turnpike. If you come from your house, si vous allez de votre maison, in the town where you live, dans la ville où vous vivez, and you want to go to another city, another state, et vous voulez aller dans une autre ville, un autre état, you must use what we call the interstate highway, interstate. On doit aller à ce qu'ils appellent la route entre états. I-35 South, I-35 North. Ils appellent ça l'A-35 Sud ou l'A-35 Nord. I-80, whatever it is they call it. L'A-80, quoi que ce soit, voilà, ils appellent ça comme ça. But those are now the highways, the super highways. Mais ce sont des autoroutes, de super autoroutes. Most of them are called turnpike. Why? La plupart d'entre eux s'appellent les barrières, ce qui signifie les turnpikes. Pourquoi? Because for you to enter the highway, parce que pour que vous puissiez entrer sur l'autoroute, listen to this, écoutez ceci, you have to go to the office where you pay, vous devez aller dans un bureau, vous devez payer for the toll station, for the toll, pour la station de péage, pour le péage. And when you pay, they give you an electronic gadget. Et quand vous avez payé, ils vous donnent un gadget électronique. You put in the windshield of your car. There's a way you stick it. It sticks in front of the windshield, but inside. Vous le mettez à l'intérieur de la voiture, sur l'avant, derrière la vitre avant. It's electronic. It rings like some of your cell phones. C'est électronique. Ça sonne comme vos téléphones portables. So, once you have paid, alors, une fois que vous avez payé, and you want to go to the other town, et vous voulez aller dans l'autre ville, you get from your house, vous partez de votre maison, you have to reach a place and then you see the sign for saying, for turnpike branch right, fast exit. Vous arrivez à une place où vous voyez un écriteau disant « Pour la barrière, turnpike, tournez à droite, la première sortie. » Turnpike to another state, to another town, whatever. La barrière pour un autre état, une autre ville. And so, you take the branch. When you branch, alors, vous prenez la bonne route. Quand vous la prenez, then you see a toll station in front. Alors, vous voyez une station de douane devant vous. But the toll station, mais la station de douane have the barrier. A une barrière. Some of them can have two barriers, three barriers. Quelques-unes ont deux barrières, trois barrières. And there are some people inside some booths. Et il y a quelques gens à l'intérieur des cabines. And they are looking at the oncoming traffic. Et alors, ils observent le trafic. It's a super highway. C'est une super autoroute. So when you come with your car, alors, quand vous venez avec votre voiture, you have entered and you are coming to enter, vous êtes entré et vous entrez dans la station. The electronic system there detects the electronic system of your car. Le système électronique de votre voiture détecte that you are paid, that, que vous avez payé. You hear the clicking, that means you have been cleared and the brakes green. Vous entendez la sonnerie, ça signifie que vous êtes autorisé à passer et ça clignote vert. And you just come at the same speed and you pass, button, button, button, they open as you pass. Et vous venez juste à la même vitesse et elles s'ouvrent quand vous passez. By themselves. Par elles-mêmes. And it is only for those who have paid. Mais c'est seulement pour ceux qui ont payé. And if you have not paid, et si vous n'avez pas payé, you cannot. Vous ne pouvez pas. Those bars will not open. Ces barrières ne s'ouvriront pas et vous mourrez là. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, when he created Adam and Eve, quand il a créé Adam et Ève, Adam and Eve walked with God in the cool of the day like this. Adam et Ève marchaient avec Dieu dans la fraîcheur du jour comme ceci. That means they walked in obedience to Jehovah. Ça signifie qu'ils marchaient en obéissance à Jéhovah. But when Adam and Eve disobeyed the Lord, disobedience. Mais lorsqu'Adam et Ève ont désobéi au Seigneur, la désobéissance, then the judgment of God befell and death took them away. Et ensuite, le jugement de Dieu est arrivé et la mort les a sortis. Death owned them. Et la mort les a possédés. And when death took men away, et quand la mort met les gens dehors, judgment befell. Le jugement est arrivé. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, then he brought the Messiah. Et ensuite, il a amené le Messie. The Messiah came. Le Messie est venu to redeem. Pour racheter. Meaning to take back. Signifiant pour ramener. In amplified, he said, la version amplifiée dit, only the ransomed of the Lord will be here, will walk here. Seuls les rachetés du Seigneur seront là. Redeemed means, racheter signifie, your wife went to give birth. Votre épouse est allée donner naissance. She was your wife. Elle était votre épouse. She was your wife. Elle était votre épouse. She went to give birth in the hospital. Elle est allée donner naissance à l'hôpital. Because you did not pay, they held her for ransom. Parce que vous n'avez pas payé, ils l'ont gardée à l'hôpital. They said, until you pay the maternity fee of this medical bill. Alors ils ont dit, jusqu'à ce que vous ayez payé cette facture d'hôpital, we are not releasing the woman and the baby. Vous n'allez pas avoir l'épouse et son bébé. Now they cannot give you your wife, not your wife anymore, in other words. Maintenant, ils ne peuvent pas vous rendre votre épouse, vous n'aurez plus votre épouse. The hospital takes her. L'hôpital l'a prise. Until you pay. Jusqu'à ce que vous payiez. It happens a lot in this country. Ça arrive beaucoup dans cette contrée. But when you pay, mais quand vous payez, then you redeem her back. Et alors, vous l'avez de nouveau. Which means bringing her to where she was again. Ce qui signifie la ramener où elle était avant. To own her again. Vous allez la posséder de nouveau. And when the Lord says, only the redeemed will walk there. Only the ransomed. Et quand le Seigneur dit, seuls les rachetés vont marcher là, seuls ceux qui ont été rançonnés. Have you paid the ransom? Yes, we paid the ransom and we got back the vehicle. Avez-vous payé la rançon? Oui, nous avons payé la rançon et nous avons eu le véhicule en retour. We got back the house. We got back my wife or whatever. Nous avons de nouveau la maison, nous avons de nouveau l'épouse ou quoi que ce soit. When he says, you have been ransomed, you have been redeemed by the Lord. Quand il dit, vous avez été rançonné, vous avez été racheté par le Seigneur, only the redeemed will walk here. Seuls les rachetés marcheront là. In other words, the Lord is saying, en d'autres mots, le Seigneur dit, the church that walks the highway of holiness. L'église qui marche sur l'autoroute de la sainteté, it's a church where death is being preached. C'est l'église où la mort a été prêchée. Where people have died. Où les gens sont morts. That means you cease to own yourself. Ça signifie vous avez cessé de vous posséder vous-même. Yourself has died with Christ on the cross when he purchased. Vous-même êtes mort avec Christ sur la croix quand il vous rachetait. Now the church belongs to somebody, to the Lord. Maintenant, l'Église appartient à quelqu'un, au Seigneur. She does not even belong to herself. Elle n'appartient même plus à elle-même. So, Romans chapter 6 applies to that church. Alors, Romains chapitre 6 s'applique à cette Église. You can read that to the church as you preach it. Alors, vous pouvez lire ceci à l'Église où vous prêchez. Romans chapter 6 applies. Romains chapitre 6 s'applique. It says, aren't you aware that we who were purchased. Il dit, êtes-vous au courant que vous êtes rachetés? Who were redeemed by the grace. Vous avez été rachetés par la grâce. And were baptized with him. Et avez été baptisés avec lui. We died with him. Nous sommes morts avec lui. And resurrected with him. Et ressuscités avec lui. Are you not aware that we cannot anymore use any member of our bodies for sin? N'êtes-vous pas au courant que vous ne pouvez utiliser aucun membre de votre corps pour le péché? Do you understand that church? Est-ce que vous comprenez cette église? For example, par exemple, that highway, cette autoroute is the narrow road you see in Matthew chapter 7. Est la route étroite que vous voyez dans Matthieu chapitre 7. Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. This highway of the Lord. Cette autoroute du Seigneur is the narrow road. Est la route étroite. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? The narrow road of the Lord. La route étroite du Seigneur. Don't reach there. N'arrivez pas là. And start asking, where are my friends? Et à commencer à demander où sont mes amis? May I want to see Gladys there? Et je voudrais voir ici Gladys. May I want to see Pastor or they are the ones asking. Je désire voir le pasteur qui et les autres qui demandent. Where is who? Où est qui? Where are they? Où sont-ils? He says in this church. Il dit dans cette église. Stop asking many questions in this church. Arrêtez de demander beaucoup de questions dans cette église. Ne dites pas, pourquoi est-ce que toute ma famille n'est pas dans cette église? Pourquoi est-ce que le reste de ma famille, pourquoi est-ce que mes parents ne sont pas dans cette église? My brothers, my sisters. Mes frères, mes sœurs. It is meant to be hidden. C'est destiné à être caché. And he said, et il a dit, broad is the road. Large est la route that leads to death. Qui mène à la mort. And narrow is the way. Et étroit est le chemin that leads to life. Qui mène à la vie. If you follow carefully what I've been speaking here since I began. Si vous suivez attentivement de quoi je parle depuis que j'ai commencé. About the highway of the Lord. À propos de l'autoroute du Seigneur. I've been essentially saying that the highway of the Lord. Essentiellement, j'ai été en train de dire que l'autoroute du Seigneur is the narrow road. Est la route étroite. And in that narrow road, et cette route étroite, there is pressure. If you read amplified, it's very powerful. Il y a de la pression. Si vous lisez la version amplifiée, c'est très puissant. He said, the road which has been depressed, which has been under pressure. Il a dit la route qui a été sous pression. Which has been contracted. Reduced. Qui a été contractée, qui a été réduite. And you must find it first. Et vous devez la trouver premièrement. When you find it, you walk there, and you find very few people walking there. Quand vous l'avez trouvé, marchez-y, et vous trouvez peu de gens qui y marchent là. Did you understand me? Est-ce que vous comprenez cela? That is the highway I'm talking about. Ça, c'est l'autoroute à propos de laquelle je parle. So if you listen very carefully to what I've been saying, alors, si vous écoutez attentivement ce dont j'ai parlé, I've been saying, please enter the narrow road. J'ai dit, s'il vous plaît, entrez par la route étroite. When you walk the narrow road, quand vous marchez sur la route étroite, then you'll enter eternal life. Alors, vous entrez dans la vie éternelle. He said, when you walk that way, there is the cross. Il dit, quand vous marchez dans ce chemin, c'est la croix. You have been ransomed. Vous avez été rançonné. You have been delivered, purchased. You are not yourself anymore. Vous avez été délivré, racheté. Vous n'êtes plus à vous-même. You belong to somebody else. Vous appartenez à quelqu'un d'autre. Which means your man has been crucified with Christ. Ce qui signifie votre homme a été crucifié avec Christ. It's a spiritual church. C'est une église spirituelle. The flesh is crucified. La chair est crucifiée. And the spirit is born to it. Et l'esprit est né. May the Lord bless you. Shalom. Puisse le Seigneur vous bénir. Shalom.